colloque, mes ennemis me haïssent, mes frères me trahissent. Moi je me hisse afin que Dieu celui me bénisse. Un frère a failli me canner pour un kilo de shit. Oh shit, cet enfoiré a failli causer ma chute. Vas-y arrête ton charabia, j'ai compris ton manège. T'es comme un mec qui veut cacher son passage en marchant sous la neige. Pas de gaz, pas de guess, pas de lyrics lèche. Que des lyrics d'un enculé qui a arrêté la school après le collège. Mais c'est que tout est basé sur le regard. Mais que celui qui consomme, rien ne peut cacher la détresse d'un homme. On valide la violence comme si on était né dedans. C'est bizarre autour de moi, ça ne cesse de grincer des dents. On rigole, picole, mais des gars nous décollent. Avec lui on devient violent comme si on fumait de la colle. Notre idole, c'est Madame Jalousie. Et notre amour envers Satan, lui seul nous punit. On finit désunis, en plus démunis. J'ai l'impression que c'est la richesse qui rend les gens unis. Regarde le Royaume-Uni, l'Europe qui s'unit. L'Afrique munie de rien, Madame Europe fait un lingus cuni. Au baiser de Judas, les mecs tu fous la merde où là. Elle a gagné le beau petit Bouddha. Si la sincérité est le frère ennemi de Judas, l'inter promise, on la cherche tous, elle est où là. Au baiser de Judas, les mecs tu fous la merde où là. Elle a gagné le beau petit Bouddha. Si la sincérité est le frère ennemi de Judas, l'inter promise, on la cherche tous, elle est où là. Les sourires à pleines dents ne peuvent se compter, tellement y en a, crois-moi. Surtout quand le pèse tombe telle une pluie. Tes ennemis se font tes amis, tes faux amis se font plus faux amis. Et tes amis de ta famille se disent compères dans la vie, complices dans les bises. Putain de complices du vice, car même ceux que tu connais depuis des lustres, du premier stylo en passant par l'érection et ce jusqu'aux putes, scrute chacune de tes chutes, fumant ton shit. Et mec, tu les entends des fois leur chute. L'hypocrisie se sent comme ils se sentent, alter ego, altérant ego avec leur go comme ils le sentent. Mesure après mesure je frappe 5, tandis que mon stylo crame de toute son encre. Les faux, les check, tous ces mecs en 8 mm. Tu sais ce qui se passe, achète notre maxi mec. Y'a pas plus de 1000 ans qu'un mec a trompé le Christ. Aujourd'hui plus de 2000 mecs se font passer pour moi des Moi je parle des mecs comme toi qui traînent leur mauvaise foi. Roule des mécaniques, engraine des mécaniques. Et leur qualité, banalité, est-ce moi qui suis parano, refrain par année. Tu fais pleurer un père à nous, Piranha du genre A, Pyrénées des Lascar. Pyromane de test, encaisse la fraîche pour ses fesses, annonce la messe, est-ce coup de crasse, coup de chlasse, beaucoup de traces. Trahison au sein de la population. Même les frères qui sont dans le son changent de face. Bon baiser Judas comme on dit. T'as trahi tes frères donc considère-toi comme maudit. À dire que ta présence est faite pour tout détruire. Mais quand tu seras grillé en flaque, tu ne pourras pas fuir. Bon baiser Judas, les mecs tu fous la merde où là. Elle a gagné le beau petit Bouddha. Si la sincérité est le frère ennemi de Judas, l'interprovise on la cherche tous, elle est où là. Bon baiser Judas, les mecs tu fous la merde où là. Elle a gagné le beau petit Bouddha. Si la sincérité est le frère ennemi de Judas, l'interprovise on la cherche tous, elle est où là. Flex tape, flex tape, Paul Boise, du comité, parabellum, parabellum. Bon baiser Judas, tous les faux, tous les faux. Bon baiser Judas, les mecs tu fous la merde où là. Elle a gagné le beau petit Bouddha. Si la sincérité est le frère ennemi de Judas, l'interprovise on la cherche tous, elle est où là. Bon baiser Judas, les mecs tu fous la merde où là. Elle a gagné le beau petit Bouddha. Si la sincérité est le frère ennemi de Judas, l'interprovise on la cherche tous, elle est où là.